Let's go. Salut la famille, c'est DJ K. On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. Are you ready? Vincent, en effet, Rise Suprême le dimanche soir, DJ Case prend le contrôle de l'émission. Bienvenue, DJ Case, comment va? La semaine était bonne. Ça va, la semaine était très Hollandais. Bonne. Ah oui, non, vraiment, c'est une fête incroyable. C'est pour ça que j'adore la période des fêtes et du réveillon et des fins d'année, parce que les soirées sont formidables. Bon, bah là, entre les deux tours, entre les deux fêtes, c'est DJ Case pour vous ambiancer encore ce dimanche soir. Avec en plus la bonne nouvelle, c'est que demain sort la réédition. Exactement, ou réédition. Même maintenant, hein, ceux qui veulent aller commander tout de suite. Sur iTunes, c'est dispo. Donc, vous pouvez tout acheter, c'est maintenant. Allez cliquer, en tout cas. Allez cliquer avec quoi? Qu'est-ce qu'il y a sur l'inédit? Enfin, qu'est-ce qu'il va y avoir? En fait, si tu veux, c'est un double CD. Et là, c'est les titres de Paris en New York qui sont mixés avec en inédit des surprises. Vous pourrez le constater sur iTunes dès maintenant. Et même peut-être dans ton mix que l'on va voir pendant une heure. Ah ouais, on va faire péter tout ça. Eh ben, allez, c'est parti. Coup d'envoi, DJ Case prend le contrôle de Rise Suprême. On y va. Are you ready? Let's go! I love

sur le but. Car très souvent ici les débits ça varie. Ça varie. Reste attentif car à Paris ça varie. Laisse-moi kicker ça, one shot. Que les groupies s'échangent en geisha. Insulter la mère des gens gratte pays, pays. Comme les conspects, comment ça, qu'on s'en pays, Pays-Bas. Pays-Bas, Guadalajara. Ha, so good, easy, baby. Tu veux des 100, ça chante, t'inquiète, j'en approche, moi. Laisse-moi ton fun, je te rappelle si t'es Nathalie Portman. Eh, t'auras tout le temps de m'analyser. Eh, t'auras tout le temps de m'analyser. Je quitte pas la capitale, tout comme Mona Lisa. Arrive, rendez-vous au white trip. Si je suis pas là, c'est que je suis au white beach. Aujourd'hui, tout le monde nous baratine. Mais tous les petits parlent Watin. Ah, Watin B, DJ Corp. Ah, bien, 1, 2, 3, c'est pour toi ma chérie. Et pour tous mes stars, Tunisie, Maroc, Algérie. 1, 2, 3, c'est pour toi ma chérie. Et pour toute la France, Tunisie, Maroc, Algérie. Ça va vite, ça va vite. Reste attentif, car à Paris, ça va vite. Sois sur le beat, car très souvent ici, les débits, ça varie. Ça va vite, reste attentif, car à Paris, ça va vite. C'est qu'on estime, yeah. On sait ce que c'est que d'être traité comme des domestiques. Style élastique, wesh, t'es quoi, strict. J'suis avec mon sardicor, écoutez-moi, stick. Si t'as les butiers aux trousses, faut les sommets, sommets. Si ton poids les yeux, écoute, laisse sommets, sommets. Sardis, on vise que le sommet, sommet, sommet, sommet, sommet, sommet, sommet, sommet. Avec des sous-attachés, trafiqué par des bâtiments, trop sachez-le. Moi j'ai galéré, MBDH, tapez-le. La loi emmerdée, la lui se montre, regardez-le. Envie d'y mettre des tartes là. J'suis au bled, j'observe la lune de mon matelas. Cherche un moyen, la haine ouvre les yeux, mais avec l'amour je vois rien. T'inquiète pas, j'irai. Trahis-moi et je taillerai. Nous deux à vie, c'est terminé. Je te vois, t'es triste, mais tu parles pas. Je vois tes larmes, me regarde pas. On se fait du mal, mais on le sent pas. T'es pas comme moi, donc on s'entend pas. Yeah.

Awesome. Bonne soirée à vous tous, c'est DJ Kaze au contrôle de Rise Supreme. Kaze, bah, toujours en pleine forme. Eh ben je sais, et que va-t-il se passer? Alors 31, là, attention, ça approche. Déjà le 31, ça approche. Et ce soir déjà je suis au News Café à Paris. Ah oui, voilà, au pied de la réveillon commence déjà. Bah oui. Ah mais on enchaîne, on s'arrête pas, hein. Donc ce soir à Paris. Exactement, ce soir à Paris au News Café. Donc retrouvez-moi tout à l'heure. C'est au pied de la Tour Montparnasse, voilà, un endroit à la mode à Paris. Demain, non, mardi, c'est à Barcelone, donc au Choco Club. Mm-hmm. Barcelone, tu te mets bien, toi. Pour les fans de Léo Messi. Voilà, mais je pense qu'il y aura des joueurs du Barça qui seront là aussi, d'ailleurs. Ah bah, donc, tu vas les ambiancer. Voilà, c'est au Choco Club, c'est un club qui est connu à Barcelone, tout le monde connaît, c'est mardi. Et le nouvel an, c'est à la salle Fantasia à Lyon, voilà, je suis en compagnie de l'artiste Yasmine, Hassen, on fait une grosse soirée par New York. Et voilà, ça va être la guerre de chez nous. Donc 31, les amis lyonnais, lyonnaises, c'est tous ça. De la France entière. Et de la France entière, si vous êtes dans le coin de, voilà, de la région Rhône-Alpes. Mm-hmm. Allez rendre visite à DJ Kaze qui prendra le contrôle des platines avec une grosse soirée jusqu'à pas d'heure. Bah il n'y a pas d'heure, hein, c'est... On fait les afters à Lyon. Et ben nous aussi, after. Pas d'heure dans un instant, ça continue DJ Kaze au contrôle. Allez. La suite de Rise Supreme, c'est après ça. Ready? Let's go! Are you ready? Yeah. sunshine. C'est criminel, maman me voit déjà sur les marches de caille. C'est criminel, ta réussite, tes examens, tu viens d'avoir une promotion. Quand tu vis de ta passion, t'imposes tes conditions. C'est criminel, félicitations, certes, Mazal Tov. C'est criminel, quand t'es au top, t'as ton banquier dans la poche. Ce soir, on sort, mais ta plus belle robe, plus ta parure diamant. Je reste soigné comme un mannequin chez Christian Dior. Changement de décor, faire rêver ta princesse. La vie, elle est dure, non, les sort jusqu'à sa dernière pièce. C'est criminel. E a panulina te a criminal, poche la vanille a criminal, a que te lulumbe a criminal, a criminal, criminal. E a panulina te a criminal, poche la vanille a criminal, a que te lulumbe a criminal, a criminal. Et on va te voir sourire, te remettre de tes blessures. Voir tes enfants grandir, tout réussir. C'est criminel. Approche, approche, viens, même si t'es moche. Tu montes pas avec nous là-haut, tu vas rater quelque chose. Dans le club, bloquer les sorties. Y'a du monde dans la partie, le fusion dans les orties. T'as trouvé ton officiel, il est tombé du ciel. Ton père approuve la plaie. C'est criminel, ambiance joviale. Bon enfant familial, les retrouvailles. C'est criminel, une enfance similaire à celle de Jamal. Slumdog millionnaire, je suis mis en charter pour partir en jet privé. C'est criminel, de voir ses rêves se réaliser. C'est criminel, et un panouliné à terre. Criminel, poche la vanille. Criminel, arqué chez l'Olombe. Criminel, criminel. Malgré nos lacunes, tout ça le temps de pas de chrome. Le compte à bord est lancé. Le temps fait pas de chrome. Le roi nous a renversé. Le temps fait pas de chrome. PLF te le dira. Le temps fait pas de chrome. Indila te le confirmera. Le temps fait pas de chrome. De Rail Suprême en direct sur Skyrock. Skyrock. La crème sur Skyrock. Hey, c'est Soprano. On rentre dans le club habillé comme des princes. Bonne neuf, Founi, babe, on s'enjaille sur Skyrock. C'est ça. Let's get it. C'est Rail Suprême. Skyrock. Skyrock.

Case, DJ Case. No, she ain't talking about when she got just trying to enthuse you about you. The reason why you lose, you got no. She step into my shoes and feel it. Cause some people, they gon' hate you cause and try alleviate you up. What will elevate you is it. So keep back, meditate the feel. Charading, doing the work of Satan, sending misinformation, parading around with your politics. The blue collar sick, making sure you fix how much the dollar gets. I speak up for my people cause we equal in this. A menace to society, you keep denying me. Ain't hiring me, or trying to hear my plea. I'm willing to work hard on the J-O-B. I'm aware that the cost of living ain't for free. How can I prove myself without the opportunity? They done squashed the life out of the best of us and gave three strikes to those who messed it up. The rest of us, welfare with Section 8, they wonder why we hate when we can't elevate. Put your hands up for a change. Swallow my pride, leave my family behind, cause I spoke my mind, wanna evict me, cause I speak freely, it's sickly how you treat me, but in the end you need me, where would this country be without diversity, what is it that makes you keep hurting me, let's do the math, is it fear that you might lose something that you have, finally get to share. Thank you.

يعاود شي الهضره ايكون راجل مره لالا بزاف على درويش انت باقي واحد يكون دمه بارد ساكت ديما جامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشره ما يعاودش الهضره يكون راجل مرة لالا بزاف على درويش انت باقي واحد يكون دمه بارد بارد ساكت ديما جامد تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشره ما يعاودش الهضره يكون راجل مرة لالا بزاف على درويش مالكش ليك ليك ليا بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا مالكش ليك ما تليق ليا شكون اللي كذب عليك وقلب باقي نيا باقي مالكش ليك ما تليق ليا بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا انا مالكش ليك ما تليق ليا شكون اللي كذب عليك بغاش قلبك كيفيك ما شديتيش معايا الطريق عمري فيك ما انتيق سليك بعد عليا ربي سبحانه خلق كل واحد في مكانه علامات الساعة بانو إلا تحكمتي فيه انتي بزاف عليك وصعيب تلعبي بيا انا مالكش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك تلعبي بيا مالكش ليك ما تليقي ليا بزاف عليك تلعبي بيا مالكش ليك ما تليقي ليا Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Et c'est déjà la fin de ce Rail Suprême en ce dimanche soir, veille de la sortie en support physique de Paris Euro New York. C'est ça, en collector, voilà. Je me suis régalé ce soir. On a pu avoir des extraits. Et voilà, des extraits, des mix très très lourds. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et là, je vais me dépêcher pour aller directement au News Café. C'est au pied de la Tour Montparnasse, go, à Paris. Go, go. Go pour tous ceux qui sont en séjour à Paris, en vacances. Il y en a beaucoup qui viennent de province. Donc ce soir, ça se passe là-bas. Mardi, je suis à Barcelone, au Choco Club pour ceux qui ont la chance d'être côté de l'Espagne. Et on fête voilà, la plus grosse soirée de l'année. Le jour de l'an, ça se passe à Lyon, à la salle Fantasia, avec une pléiade d'artistes et ça va être la folie de chez Folie. Donc venez de toute la France entière. C'est mercredi, jour de l'an, à salle Fantasia à Lyon. C'était donc la dernière émission de 2014. C'est ça. Mais en 2015, on sera là. Tu seras là au Platine. Oui, dimanche prochain, j'espère dimanche. Que bien sûr. Tu auras encore des forces. Oui, je serai un peu cassé en quatre, mais bon, on va. Ah bah, je après, pense on va prendre des petites vacances. On sera tous bien. Donc début 2015, là, la semaine prochaine, DJ Case au contrôle de Rail Suprême. C'est d'ici ça. Là, passez de bonnes fêtes, tout le monde. Bon réveillon. On rappelle que si vous sortez et que vous vous torchez un petit peu la tête, prudence quand même. Hein. Il faut un SAM. Voilà, il faut avoir un son SAM qui vous conduit tranquillement à la maison. Sans, voilà, non, vraiment, c'est vrai que surtout en ce moment, là, les périodes sont voilà, tendance à faire la fête, hein, pas de problème. Mais soyez prudents. Mm-hmm, avec le verglas, la neige. Avec tout. Mm-hmm, ouais. Ou la chaleur, ça dépend de là où on se trouve. C'est ça. Merci en tout cas, Case. Allez, merci à vous. Prochain rencard en 2015. La semaine prochaine, ce sera pour Rail Suprême. Ciao. Ciao.